the track. Ces matos sont partis du bendo dans le gamos des gamos. Gamos, trafic de stup dans les locaux du Tchex. Prends ta galette comme au tacos. Tacos, numéro 10 comme Diego Armando. Dorénavant, j'vise le bingo. Banabo, Kabazo, Bukamu, Congo. Banabo, Tobazo, Beta, Nintendo. Negro, Bendo, Kabendo. On veut des euros, des euros. Ramène les lingots de Roro. Numéro 1 des 1. Toi-même, tu le sais. Tu sais, Fugoro. Le métier est tombé, halala. Ça réveille mes démons, halala. Il faut que je la démonte, halala. Mauvais comportement, halala. Originaire des Tony. Que des gros bonnets des OG. Négro, j'fume ma OG. Un de mes soldats sort en congé. J'te le redis. J'me suis fait sans faire le vendu. Comportement. Quand tu nous vois, faut que t'applaudisses. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Donne-moi des plans pour me gaver, je ne baisse pas mon café. Les vrais escrocs sont en cravate, t'as plus d'argent, t'es comme Govou. Gravon, je gravis les échelons. Donc le week-end, je laisse des mamelons. Gava, j'ai fait couler le sang. Donc au seigneur, je demande pardon. Gova, plaqué, 4, 20, 11, assise, périph. Je suis sur les champs, Géon, pilon, Kutsa, les prix, ici, ne sont pas méchants. La guine des guines, elle est coquine, coquine, mais prends pas la tétine. Les négros qui jacquent, je m'en fous, c'est des guignols. C'est de l'argent à faire, donc je m'en bats les roubignoles. Originaire des Tony. Que des gros bonnets des OG. Négro, j'fume ma OG. Un de mes soldats sort en congé. J'te le redis. J'me suis fait sans faire le vendu. Comportement. Quand tu nous vois, faut que t'applaudisses. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine. Big money, I'm a mine.